Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Movies Nerd, l'émission où on discute des films qu'on a vus durant le mois passé. Vous êtes à l'écoute de l'épisode numéro 47, enregistré le 2 février 2019. C'est bien notre première émission de l'année 2019. Donc, comme on vous l'avait déjà dit à la fin de l'émission des tops et des flops, on souhaite quand même encore une bonne année. Là, on va parler des films de janvier 2019. Et je suis Axel, un des hôtes de ce podcast, mais je suis accompagné aussi de Morgane en premier. Ouais. Bah oui, attends, quand même. Code de cette émission. Comment tu vas, Morgane? Non, pas Adrien, Morgane, non, s'il te plaît. Tu vois que je suis très fatigué ou alors que j'ai pas l'esprit totalement clair. Mais non. Ça va. Oui, Morgane, ça va, nickel. Super. Et du coup Adrien du coup qui est notre invité qui était déjà là pour l'émission des tops et des flops et qui revient pour ce mois de janvier pour parler d'un film du mois qui n'a pas, enfin voilà, on verra ensemble, mais je pense qu'il va y avoir un peu de débat. Donc Adrien, salut. Oui, bonjour, bah merci. Comment tu vas? Oui, ça va très bien, merci. Nickel. Je suis ravi d'être invité pour râler une fois de plus. Rien qu'avec son sourire, on sent très bien qu'il va nous faire chier tout le podcast. C'est toujours un plaisir. En vrai, c'est toujours toujours un plaisir d'être invité pour rager. Super. Du coup, on va vous faire le sommaire de l'émission qui est un petit peu chargé quand même. Donc dans la Select, on va vous parler de Edmond, Aquaman, l'heure de la sortie, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu et Bienvenue à Marwen. Ensuite, en film du mois, on parlera de Glass, film qui était pas mal attendu par une personne de ce podcast. Je pense que vous savez de qui je parle. Voilà. Et ensuite, la Minute Nerd qui sera pour Morgane. Et comme d'habitude, pour la Minute Nerd, c'est mystère jusqu'à ce que ça arrive. Donc, même nous ne savons pas de quoi Morgane va parler. Et c'est très bien comme ça. Du coup, on a fait le sommaire. Et je vous propose qu'on commence directement dans la Select. C'est parti. On est à la première rubrique de ce podcast, la Selec, et on va commencer par ordre de sortie du coup, et c'est Adrien qui va nous parler de Aquaman, film qui est sorti l'année dernière, et qu'il a pu rattraper ce mois-ci. Donc je t'en prie Adrien, vas-y. Oui, c'est vrai que c'est toujours un peu surprenant de voir un film du DC Extended Universe, ou plutôt maintenant qu'il faut l'appeler apparemment ça Worlds of DC, sans heure de production, sans problème particulier. Donc voilà, c'était assez surprenant. James Wan s'est éclaté à faire le film, et donc ce machin est sorti. Il fait des chiffres monumentaux, surtout pour un film d'essai. Je crois que les chiffres, surtout à l'international, sont vraiment très hauts. Il a pas dépassé Wonder Woman, je pense. Je revérifierai les chiffres, mais il doit pas en être loin en tout cas. Mais je sais les chiffres sont de manière surprenante vraiment très hauts. Ouais, c'est étonnant. Et c'est étonnant parce que qui aurait parié il y a 3-4 ans d'avoir un film Aquaman qui fonctionne bien. Non seulement ça fonctionne bien, mais en plus d'un point de vue cinématographique, j'ai trouvé le film très réussi. C'est vraiment un film d'aventure à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on voit bien que James Wan il s'est pas embêté à faire un machin dans un univers étendu. D'ailleurs, la cohérence avec le reste de l'univers est assez relative, puisque c'est toute une quête pour qu'Aquaman retrouve un trident et rencontre Mera et tout ça, alors que il avait déjà rencontré Mera dans Justice League. Dans Justice League. Voilà, donc il y a des moments comme ça où tu te dis que la cohérence est pas tellement respectée, mais bon, tu te dis tant pis d'un autre côté. Et c'est un film qui est très indépendant, t'as pas 10 000 références au film d'avant, t'as à peine une mention de Steppenwolf et tout, et ça fait du bien, mais c'est comme pour Wonder Woman, hein. C'est-à-dire que c'est des films, voilà, des stand-alone très frais, comme DC maintenant vont en faire pas mal apparemment, donc ça c'est plutôt une bonne chose, et ça a pas du tout la lourdeur d'un film n'importe quel machin à univers étendu. Ouais. Et donc au-delà de ça, c'est très très rigolo, c'est vraiment, comme je disais, un film d'aventure à l'ancienne, très soigné d'un point de vue de la réalisation. Bon, on pourra toujours râler sur quelques éléments techniques un peu loupés, c'est-à-dire que bon, c'est toujours très étonnant de voir que Warner Bros. Savent toujours pas rajeunir leurs acteurs à peu près correctement, ça c'est toujours un problème, c'est-à-dire que ça se voit comme au milieu de la figure que la rénovation sur le visage notamment dans le film de Nicole Kidman. Mais voilà, si on passe à côté de ces défauts qui au fond sont pas fondamentaux, On passe un très bon moment. C'est un film qui est plutôt bien écrit, c'est-à-dire plutôt bien écrit dans un film de super-héros d'aujourd'hui. Il faut que ça ait un début et une fin, que ce soit à peu près cohérent du début à la fin et que ce soit pas une succession une scène de baston sans liant. Là, il y a quand même vraiment des thématiques, il y a vraiment une histoire. C'est vraiment une quête à l'ancienne. Ça m'avait fait beaucoup penser à des films comme Indiana Jones ou des machins comme ça où t'as vraiment un souffle vraiment d'aventure épique qui se dégage avec des paysages magnifiques, des gentils, des méchants, des vannes que d'aucuns ont trouvé lourdes. Moi, j'ai trouvé qu'elles passaient plutôt bien. Voilà, je pense que James Wan a compris, et Zack Snyder avant lui l'avait très bien compris, qu'on pouvait pas faire d'Aquaman un personnage à la Batman ou à un Superman hyper constipé, hyper voilà, hyper sérieux et à faire la gueule. Je crois qu'ils en ont fait une figure badass quasiment cool entre guillemets, voilà, la figure du héros cool. Et ça a gêné beaucoup de monde qui sont des aficionados des comics. Moi, je trouve que je connais très mal Aquaman, alors je ne peux que parler du film et pas de son adaptation. Mais je trouve que ça fonctionne très bien. Je trouve que Jason Momoa est très très à l'aise dans le rôle. Et alors que dans Justice League, j'avais trouvé vraiment très lourdingue et très très appuyé. Là, je trouve que dans un film solo, je m'attendais pas, même si j'aime beaucoup Wan et que je trouve que tous ses films sont très bons films, même ceux qui sont très très critiqués comme Conjuring 2, machin truc. Je trouve que là, il s'éclate vraiment. Et voilà, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi convaincant que ça, en fait. Je m'attendais pas à ce que pendant tout le film, 2h30 quand même, faut se les faire. Ouais, c'est clair. Ça tient vachement bien, c'est bien réalisé, évidemment, t'as des plans séquences sublimes, et il y a vraiment une recherche visuelle, t'as différents moments qui semblent appartenir à différents genres de films, t'as même une séquence quasi horrifique, comme on sait qu'il sait les faire. Et voilà, cette quête pour le trident qui passe par différents endroits, et t'as toujours un endroit où ils y vont, tu penses que c'est bon, ils l'ont trouvé, mais en fait, ils découvrent un message ou un machin comme ça qui leur dit, ah non, en fait, faut aller à l'autre bout de la planète pour réussir. Donc ça, il y a un côté un peu fun, vraiment chasse au trésor qui est très rigolo. Patrick Wilson est très très bon en méchant, Amber Heard est très à l'aise. Non, je trouve que c'est une vraie petite réussite et en fait ça fait du bien de voir des films comme ça qui sont très très posés, très indépendants et oui moi franchement j'en reprendrais bien 2-3 comme ça quoi. C'est-à-dire que si Wonder Woman 2 a cette fraîcheur et que même Joker et machin truc qui s'autorisent des films indépendants et plus des machins avec des références à n'en plus finir qui finissent par se casser la gueule parce qu'ils ont trop d'ambition en termes de cohérence d'univers, de construction d'univers. Moi, ça me va en fait si DC ça devient Oui, ça, c'est très clair. sincèrement. Même si j'aime beaucoup le Man of Steel, Batman contre Superman et tout ça, c'est des films que j'aime beaucoup. Même Suicide Squad, je l'aime bien et je peux trouver quelques qualités à Justice League. Mais c'est vrai que ça fait, oui, il y a quelques qualités. Attendez, retenez Je dis pas bien qu'il est mauvais, ça. hein. Attendez, aux gens là qui écoutent le podcast, retenez bien ça. J'aime Suicide Squad et je trouve des qualités à Justice League. Ça va vous Oui, servir plus tard pour je savoir peux, voilà, je lequel peux de lui ou trouver de quelques. moi est le plus à croire. Voilà, par rapport à un film Pour qu'on le va coup, parler après. c'est moi en comparaison avec le film dont on va parler tout à l'heure, en comparaison avec les films de Continue, Marvel vas-y, Studios où je dis peux tes trouver à bêtises. Justice League, par exemple, des qualités de réalisation, Oui, quelques plans, machin, que je ne retrouverais pas ailleurs. Moi, je dis pas, voilà, c'est un ratage, je pense que maintenant on peut le dire. Et quand je l'ai revu, je me suis bien rendu compte que, bon, même si j'ai envie de le défendre, ça ne fonctionne pas. c'est clair. Mais disons que voilà, c'est des films comme Suicide Squad où je peux trouver quelques qualités. Mais là, vraiment, un film solide comme ça, comme Aquaman, je dirais pas que ça tient de la prouesse, mais c'est quand même très surprenant quand on sait qu'ils Oui, sont surtout l'univers qui est dans, autour, quoi. quand on sait qu'ils sont dans une restructuration totale et qu'Aquaman, c'est vraiment pas un personnage qui intéresse les spectateurs. Et je trouve que c'est un tour de force que Snyder et Wan ont réussi à faire avec ce personnage. Ok, très bien, très bien. Du coup, on va passer au film suivant et moi, je vais vous parler de Bienvenue à Marwen. Oui, je sais Tu n'es pas un finot Morgan. de bienvenue chez HD. le film, enfin ouais, le film est assez bizarrement nommé, je trouve, mais bon. C'est basé sur une histoire vraie, donc en même temps, on pouvait pas trop changer le titre. Donc c'est le nouveau film de Robert Zemeckis, réalisateur qui a déjà fait pas mal ses preuves. Ici, il s'attaque à une histoire vraie où, en fait, il va parler de quelqu'un qui est resté, enfin, qui s'est fait tabasser dans un bar et qui est resté plusieurs jours dans le coma et qui, à son réveil, pardon, a été frappé d'amnésie et du coup. Il sait plus, enfin voilà, il sait plus comment il s'appelait, il sait plus où il travaillait, qu'est-ce qu'il faisait de base. Et donc il va se créer un monde imaginaire, Marwen, qui est un village belge fictif durant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, ce village, il va le construire quoi, avec des poupées, des miniatures, etc. Et ça va devenir un peu son obsession. Et du coup, il va en faire. Ça va être son expression créative pour sortir un peu tous ces démons du coup qui le poursuivent parce que il s'est fait tabasser dans un bar parce que. Justement à cause de quelque chose qui est révélé au milieu du film, donc je vais pas le révéler maintenant, mais c'était un crime de haine, si on peut dire entre guillemets, même pas vraiment entre guillemets, c'était vraiment un crime de haine, pour chasser ces démons, il va se créer cet univers, il va prendre des photos, etc., il va pouvoir les exposer et ça va lui permettre de cet univers va aussi le rattraper puisqu'il va créer aussi des méchants dans cet univers qui vont le poursuivre, etc., dans la vraie vie. C'est très difficile à expliquer ce film parce qu'il est partagé entre le monde, justement ce monde virtuel qui est très bien fait parce que on a des poupées qui sont ultra réalistes et qui ressemblent aux acteurs, donc principalement à l'acteur principal qui est Steve Carell, qui interprète en même temps Mark Hogenkamp, qui est cette personne qui s'est fait tabasser et qui a créé ce monde fictif, mais aussi son alter ego dans ce monde fictif, qui est Captain Hoagie, qui est un soldat américain pendant la Seconde Guerre mondiale, qui va se balader dans ce village belge, etc., et il va lui arriver plein d'aventures. Donc voilà, en fait, je trouve que visuellement, enfin, le film, même s'il a quelques côtés mous au niveau du scénario et qu'on peut s'ennuyer à certains moments, visuellement, c'est une véritable prouesse et c'est sublime à regarder, en fait. Et je pense que rien que pour le visuel du film et la réalisation, ça vaut le coup de le voir, en fait. Après, l'histoire est plutôt touchante. Steve Carell est un, enfin, je pense que c'est plus à prouver, mais je trouve que Steve Carell c'est un super bon acteur, que ce soit dans l'univers comique ou là ici dans un univers plus dramatique. C'est un film plutôt bien réussi. Comme j'ai dit, il y a quelques coups de mou quand même au niveau du scénario. On s'ennuie à quelques moments, il y a quelques longueurs, mais en fait le truc c'est que visuellement c'est tellement joli et tellement bien réalisé que ça permet d'oublier un peu toutes ces faiblesses au niveau du scénario, et aussi le fait qu'on se dise que c'est basé sur une histoire vraie, donc ça rajoute un peu, enfin ça rajoute à l'émotion des scènes qui sont montrées, des scènes assez dures parfois, donc moi j'ai passé un plutôt bon moment devant. Les acteurs sont plutôt bons. Il y a Leslie Mann, Diane Kruger, Falk Henschel et Janelle Monáe principalement qui jouent. Alors Leslie Mann, elle joue une personne réelle et les autres en fait sont des poupées qui ont un visage hyper réaliste, donc on découvre, enfin on sait vraiment de quelle actrice on parle. Et moi je vous conseille le film. Il est plutôt pas mal. C'est basé sur un documentaire qui s'appelait Marwan Call et qui a été réalisé par Jeff Malmberg, que je n'ai pas vu, mais je pense que ça pourrait être assez intéressant à découvrir. Et du coup, en fait, le film va se superposer avec l'histoire du monde réel va se superposer avec l'histoire du monde fictif, et donc le personnage principal interprété par Steve Carell va devoir aller au procès justement pour voir ses accusateurs en face et dire que c'est eux qui l'ont tabassé en fait pour des motifs spécifiques. Et en fait, il a beaucoup de mal puisque il prend des cachets, il est médicamenté, etc. Il a une personne qui vient le voir à une certaine heure, etc., pour voir s'il a bien pris ses cachets, etc. Enfin, c'est une histoire assez psychologique aussi, et plutôt intéressant à suivre. Voilà, même s'il y a quelques coups de mou et c'est pas le film de l'année, c'est clairement pas le meilleur film de Robert Zemeckis, mais juste visuellement, c'est très plaisant à voir, donc moi je vous le conseille. Voilà. Très bien, du coup je pense qu'on va passer à Edmond. Et comme je viens de parler pendant 5 minutes, je vais passer la parole à Morgane, puisque moi aussi je l'ai vu et j'ai des choses à dire dessus, mais je te laisse d'abord, Morgane, dire ce que tu en as pensé. Mais que du bien, et pourtant, j'y allais avec beaucoup de réticence, parce que c'est pas totalement le genre de cinéma vers lequel je vais. En plus, le casting, Thomas Olivérès, c'est fait quand même partie de base des acteurs que je trouve les plus insupportables dans le cinéma français. Enfin, le pauvre, il fait quand même que des comédies problématiques, pour sa carrière, hein, parce que entre Spirou, Fantasio, Mon Poussin, le truc horrible avec Isabelle Nanty, mais le pauvre, quoi. Et là, on me dit, tu vas voir un film qui va raconter la création de Cyrano de Bergerac. Donc, c'est une sorte de biopic, quelque part. Si, d'accord, un film tout en costume. Honnêtement, c'est pas du tout mon style de film. C'est un film sur Edmond Rostand, d'accord, je savais pas. Oui, c'est un film sur Edmond Rostand, mais c'est basé sur la pièce de théâtre qui avait été jouée par Alexis Michalik, pardon, qui réalise le film, du coup. D'accord. Et qui joue dans le film, d'ailleurs. Il joue le rôle de... Ouais, il joue aussi dans le film. De Fédo. Du méchant. De Fédo. Ouais. donc voilà, moi, dans toutes les promesses sur le papier ne m'intéressaient pas vraiment, mais il y avait un bon bouche à oreille qui fait que j'ai quand même tenté ma chance. Et qu'est-ce que j'ai pris un pied. C'est ça qui s'en est le plus dégagé quand je suis sorti. C'est un film où j'ai ressenti un plaisir monstre, où tout m'a séduit, que ce soit le rythme. Je trouve qu'il y a un rythme qui est constant et qui ne faiblit jamais, puis ça dure quand même 1h50. Hein. Il y a une énergie qui est communicative, qui est servie par des acteurs qui sont, je trouve, exceptionnels. Même Mathilde Seigné, qui part un petit peu dans le n'importe quoi de temps en temps, bah là trouve un rôle un peu à son image aussi. La grande gueule très tête à claque, un peu capricieuse et tout. Je trouve que chaque acteur est à sa place. Olivier Gourmet aussi, qui joue le premier Cyrano de Bergerac. Et il y a un vrai plaisir, quoi. C'est très ludique finalement, avec un côté film populaire, parce que voilà, il y a du rythme, il y a beaucoup d'humour, les décors, enfin en termes de reproduction, enfin de reconstitution, c'est magnifique. Il y a même des moments où le film s'autorise, notamment à la fin, où on rentre, enfin c'est pendant le troisième, enfin le dernier acte de Cyrano de Bergerac, où là, la réalité, on rentre vraiment dans la pièce et c'est filmé comme si c'était un film. Ouais. Voilà, c'est ça. Et je trouve qu'il y a des trouvailles de mise en scène qui sont réjouissantes. Et voilà, j'ai pas grand-chose à en dire de plus, juste que j'ai pris un pied monumental. J'ai trouvé ça absolument parfait en termes de rythme, en termes de direction d'acteur, c'est incroyable. Les dialogues sont irrésistibles, c'est drôle. Il y a vraiment des beaux moments de cinéma et j'en suis sorti grandi intellectuellement. Voilà. Donc, Ok, très bien. Moi, je suis à peu près d'accord avec ce que tu as dit. Je suis peut-être un peu moins emballé, mais j'ai passé un bon moment devant, en fait. Déjà, on entendait pas mal parler de la pièce Edmond. Je sais que j'en avais pas mal entendu parler quand elle était sortie, enfin quand elle était jouée en 2016. Et elle m'intéressait plutôt pas mal, mais bon, je crois qu'elle passait même pas près de chez moi, donc voilà. Mais bref, du coup, j'étais assez curieux de voir ce que donnait ce film, parce qu'il était assez encensé, la pièce aussi était très encensée. Donc du coup, sachant que c'était la même personne qui était derrière le projet, c'était assez encourageant. J'ai trouvé le film assez intéressant. Comme tu as dit, la représentation de l'époque en fait est plutôt bien faite, même s'il y a certains plans un peu CGI, un peu bizarres, qui se calent dans le film et qui pour moi n'avaient pas trop. Enfin, par exemple, des plans de la ville de Paris, etc. À l'époque. Je trouve qu'ils font un peu too much parce qu'ils sont un peu mal faits, mais en même temps je peux pas leur en vouloir parce que mais ils tentent des choses. Ça que j'ai aimé, hein. Ça tente. Oui, bien sûr. Non, mais je me plains pas. En plus, c'est pas un film qui avait un gros budget, alors j'ai pas non plus leur vouloir pour 2-3 plans un peu mal faits en CGI. C'est pas ça pour moi un souci, c'est pas un souci dans le film en fait. Les acteurs sont très bons comme t'as dit, les dialogues aussi sont vraiment super bien écrits, on passe vraiment un bon moment devant, même pour ceux qui connaissent pas la pièce, toi tu n'avais pas lu ou écrit, ou vu je pense, Morgane, je crois. Je savais même pas que c'était tiré d'une pièce, hein. Non mais Cyrano par... Cyrano. Non, je connais juste la tirade du nez quoi, oui. Donc j'avais vraiment tout à découvrir. Et même quand on connaît t'as vu le film de Gérard avec Gérard Depardieu. Non, connais juste la fameuse tirade, mais c'est tout. Pour moi Cyrano de Bergerac c'est Depardieu, mais je connais juste la tirade et c'est la force du film, toute sa réussite, c'est que même ceux qui ne sont pas du tout convertis, qui ne connaissent rien, vont quand même apprendre des choses et je pense que tu peux être conquis par le langage en fait aussi. Qui est utilisé et que, enfin voilà, c'est plus à prouver que Cyrano c'est un chef-d'œuvre de langage, mais même les personnes qui n'ont jamais touché à la pièce peuvent être conquis, et Morgane est l'exemple parfait en fait. Donc, non, franchement, c'est une belle réussite en fait. J'ai été un peu déçu de ne pas être plus surpris parce que, en fait, tout ce que j'ai vu, je m'y attendais un peu. Même si c'était des bonnes choses, je m'y attendais, que ce soit bien écrit, que les dialogues soient bien faits, etc. Les acteurs sont plutôt bons, tous. Et voilà, donc moi, j'ai, à part le fait que je n'ai pas été aussi surpris que je le pensais, parce que tout le monde l'enchantait tellement que je me disais, mais c'est vraiment, enfin, ça doit être remarquable, et il doit y avoir quelque chose d'extraordinaire dedans. C'est juste un très bon film, mais c'est pas un film que je qualifierais comme une grosse surprise, voilà. Enfin, en tout cas pour moi. Mais je comprends pourquoi Morgan, du coup, puisque toi t'y es allé à reculons, du coup. Ah oui, j'étais pas du tout motivé. T'avais vu la bande-annonce ou pas du tout? Oui, bah justement, c'est pour ça, j'avais vu la bande-annonce, et moi en voyant la bande-annonce, qu'est-ce que c'est encore ça? Moi j'avais vraiment peur de la reconstitution du film historique, un peu poussé façon France 3, quoi. Et c'est pas du tout ça. Ouais. Non, il y a un dynamisme qui est là, il y a un rythme, c'est d'une énergie dingue, quoi. Et c'est passionnant, j'ai trouvé ça passionnant et fascinant de voir. Je savais pas du tout que cette pièce-là avait été écrite en une nuit, quoi, clairement. C'est en une nuit qu'il a fait ça, quoi. Et aujourd'hui, c'est considéré comme la pièce, la pièce de théâtre la plus. Il me semble qu'ils disent à la fin que c'est la pièce de francophone la plus jouée au monde. Ouais. Donc c'est déjà quand même quelque chose. Et puis moi qui suis très sensible au temps, au temps qui passe. Oui, au rythme. Un des dialogues de fin que j'ai trouvé absolument magnifique, juste avant la première représentation, quand je crois que c'est Mathilde Seigné qui dit, le personnage de Mathilde Seigné qui dit. Dans 100 ans, la pièce continuera d'être jouée, mais nous, on nous aura oubliés. Et c'est là, justement, que j'ai trouvé le film magnifique. C'est dans son hommage et sa déclaration d'amour à l'art du spectacle, au théâtre, à l'art du spectacle, aux acteurs aussi. Et ça montre aussi que les acteurs, finalement, ils sont quand même assez éphémères. Enfin, qu'est-ce qui marque le plus ? Une œuvre ou l'acteur qui l'interprète. Après voilà, certains acteurs sont éternels, mais dans la mémoire collective, j'ai trouvé que ça soulevait quand même quelques questions assez intéressantes sur l'art en fait. Qu'est-ce que sur une œuvre d'art, qu'est-ce qu'on en retient, qu'est-ce qu'il en reste après? En plus sur le théâtre, maintenant le cinéma, la question se pose un peu moins, même si c'est toujours d'actualité. Mais je trouve que c'est clair que le théâtre, c'est la nature même du théâtre, c'est que c'est éphémère, quoi. Donc voilà. Très bien. Donc on vous a dit ce qu'on pensait de Edmond. Allez le voir, franchement, si vous trouvez encore de la place. Enfin, s'il passe encore, parce que il est plutôt bon à voir. Et même si vous n'êtes pas sensible au monde du théâtre, etc., vous trouvez ça pompeux, pardon. Allez-y quand même. Morgane, l'heure de la sortie, du coup, tu vas nous en parler. Donc, je vais vous parler de l'heure de la sortie. Donc, le nouveau film de Sébastien Marnier. Sorti il y a 2 semaines, je crois. Ouais, 2-3 semaines. Ouais. Alors, c'est tiré d'un roman paru je ne sais plus quand, hein, de Christophe Dufossé. Donc ça raconte l'histoire de Pierre Hoffman, qui est un professeur remplaçant dans une classe de troisième, une classe de surdoués, hein, dans une école catholique, suite au suicide d'un professeur en plein cours, hein, sous les yeux de ses élèves. De ses élèves, tout à fait. Donc il arrive dans cet établissement un tout petit peu nouveau, hein, parce que bah, voilà, c'est qu'un professeur remplaçant, et d'ailleurs les élèves lui rappellent bien. Et petit à petit, il va devoir affronter l'hostilité, pour ne pas dire la violence un peu froide, d'une bande d'ados, on va dire, dans le mal, dangereux, en souffrance, on ne sait pas trop. Mm-hmm. Donc c'est un peu... c'est un peu le climat que le film nous réserve. Ouais. Alors, c'est un terme que j'emploie assez rarement parce que j'essaye toujours d'être modéré quand je regarde un film. Mais ça fait 3 semaines que je l'ai vu et ça fait 3 semaines que voilà, je n'arrête pas de penser chef-d'œuvre à chaque fois que je pense à ce film-là. Surtout pour un film français, même si... voilà. En France, je continue à dire qu'on a des auteurs. Après, encore faut-il qu'il y ait qui trouvent des sous, voilà. Mais en tout cas, si on pouvait sortir, produire, penser plus de films comme ça, eh ben, on se porterait bien mieux. Parce que là, on est vraiment face à un ovni aussi troublant que marquant. Donc, c'est le deuxième film de Sébastien Marnier, donc tout jeune réalisateur, hein, qui avait déjà fait un excellent film en 2016 qui s'appelait Irréprochable avec Marina Foïs. D'ailleurs, à l'époque, quand je l'avais vu, j'avais prédit que Marina Foïs allait être nommée au César. Et elle avait été nommée, elle ne l'avait pas eu, puisque c'était Isabelle Huppert qui l'avait eu. Mais en tout cas, dans Irréprochable, il y avait aussi, c'était aussi un film à ambiance. C'était aussi un film qui partait d'un postulat très simpliste, mais qui allait aborder plusieurs choses un peu troublantes. C'était un film qui était garni de références, qui avait une atmosphère bien à lui. Et bien, lors de la sortie, c'est la même chose, mais on va dire avec 8 degrés au-dessus. Parce que à aucun moment on peut anticiper la fin, on peut anticiper le pourquoi du comment. À plusieurs moments, j'étais persuadé que le film nous emmenait là, et en fait, à chaque fois, le film déjoue nos attentes pour notre plus grand plaisir, parce que moi, je trouve ça formidable encore aujourd'hui d'être surpris devant un film, de ne pas pouvoir anticiper, d'être totalement perdu, d'être totalement pris de court, parce qu'on ne sait pas qui est bon, qui est méchant, même Laurent Lafitte à plusieurs reprises, parce que même si c'est lui qu'on suit, même si c'est ce personnage-là qui est tourmenté par cette bande d'ados, qui est géniale d'ailleurs, je trouve qu'il y a un choix de casting qui est absolument monstrueux, des ados à Laurent Lafitte, justement. Laurent Lafitte, lui, c'est un acteur qui me fascine parce que ce soit dans les comédies comme Papa ou Maman, ou dans des thrillers, justement, dans Elle de Paul Verhoeven, ou Au revoir là-haut. Au revoir là-haut aussi. C'est vraiment un acteur caméléon, c'est un acteur complet. Et là, dans ce film-là, voilà, il est charismatique, il est troublant, et il en va de même, hein, pour la bande de jeunes, notamment un des acteurs qui est tout jeune, qui s'appelle Victor Bonnel, qui est, on va dire, c'est l'acteur qui marque le plus parce que il est d'une froideur, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment tous les personnages, toute cette bande d'ados là, qui ont l'air complètement habités par une violence, par un secret, donc c'est un secret qui va être percé au fur et à mesure que le film va avancer, et tout ça va mener à une morale écologique que je trouve aussi subtile qu'intelligente, parce que mais à aucun moment on peut l'anticiper. Donc ça amène au film une intelligence et une pertinence de dingue, parce que c'est un film qui parle de la jeunesse, c'est le portrait d'une jeunesse qui est angoissée par l'avenir ou l'absence d'avenir. Donc, j'essaye vraiment de pas trop en dire, parce que si on peut aller voir le film sans être trop renseigné, c'est pas plus mal, parce qu'on en sera plus surpris à l'arrivée. Et tout ça avec des moments d'angoisse, moi, qui m'ont rappelé les thrillers d'Alfred Hitchcock, ou même des moments que j'ai vus dans le cinéma de John Carpenter. Il y a une scène de rêve où on voit les enfants marcher dans un jardin. Ça m'a rappelé le Halloween de Carpenter, quoi. Il y a un climat d'angoisse qui est absolument tétanisant. Et du coup, ce climat-là rappelle aussi le cinéma de Lars von Trier et aussi le cinéma de Jeff Nichols, notamment Take Shelter. Je pense que Sébastien Marnier a vu Take Shelter pour faire ce film-là, parce que la fin, il y a quelque chose de similaire, on va dire. Mais c'est une fin d'un nihilisme absolument... absolument bouleversant, c'est-à-dire que quand j'ai vu le film, une fois que le générique a commencé, j'étais incapable de me lever tellement j'étais sidéré de ce que j'avais vu, je me suis pris une claque. Il y a des films comme ça qui quand vous les voyez, pendant la séance, ils vous retournent par rapport à ce qu'ils vous montrent, par rapport à ce qu'ils vous racontent, ou par rapport à ce qu'ils ne vous disent, ce qu'ils vous disent pas, parce qu'il y a beaucoup de non-dits dans le film, mais qui, une fois que le générique commence... Bah en fait, une fois qu'on comprend tout, une fois qu'on comprend pourquoi tout ça, bah du coup, ça remet plein de choses en perspective. Moi, ça m'a remis en question en tant qu'humain, quoi, en tant qu'individu, sur plein de convictions personnelles. Et je trouve que c'est là toute la réussite du film, c'est de proposer quelque chose de politiquement très fort et très intéressant, parce que c'est un film qui peut que créer le débat à travers une histoire de genre, donc avec ce qu'il faut de suspense, ce qu'il faut de tension, de scène d'angoisse. Et voilà, clairement, c'est un terme que j'emploie assez rarement, mais pour moi, c'est un chef-d'œuvre. On a le premier chef-d'œuvre de l'année, c'est celui-là. Donc s'il y a un film qu'il faut voir au détriment des autres, c'est celui-là, vraiment. Voilà, que ce soit dans l'ambition, dans le scénario, dans la direction d'acteur, comme j'ai dit, il y a des révélations. Bon, Laurent Lafitte, il est exceptionnel, mais Victor Bonnel, alors lui, j'ai eu un coup de foudre pour cet acteur-là. J'espère qu'on va le revoir à l'écran, parce qu'il est tout bonnement mais incroyable. Et je crois que la scène de fin est une des scènes qui m'a le plus marqué, mais de ma vie de cinéphile, clairement. Mais je vais pas, je vais pas trop m'étaler, parce que c'est vraiment un film qui doit être découvert. C'est pas, enfin, si on vous donne les munitions, si on vous dit de quoi ça parle, si on vous dit là, un peu le pourquoi du comment, ça peut vous tuer un peu le suspense, quoique, enfin, ouais. Je sais pas. Mais dans le doute, je préfère pas trop m'étaler. Oui, voilà. Non, il vaut mieux. Voilà. Ouais, ok. Bah très bien. Ça donne envie d'y aller. En tout cas, moi, je l'ai pas eu le temps d'aller le voir, et je sais même pas s'il passe encore, malheureusement, mais je pense, j'espère pouvoir le rattraper avant le bilan de l'année 2019. Donc, non, pour le temps, ça va. Ouais. Et bah du coup, tu vas finir avec une autre pépite, une autre pépite du cinéma français. Voilà, qu'on a encore fait au bon Dieu. Mais oui. Explique-nous tout ce que t'en as pensé. Alors justement, j'ai voulu absolument en parler parce que j'ai fait le contraste entre le chef-d'œuvre, le film intelligent, le film bien pensé, le film créatif, hein, le film qui sert à quelque chose. Donc lors de la sortie. Avec la comédie pompe à fric, comme c'est pas permis. Alors que, je précise, j'ai aimé le premier. Je fais partie des rares. T'as aimé ça, toi ? J'ai aimé le premier. Le premier film, je trouvais qu'il se tenait. Eh, souvenez-vous-en, les auditeurs, là, de ce qu'il vient de dire, on pense tout à l'heure. Hein ? Bon. Non, mais, je trouvais que le premier film marchait plutôt bien. Il y avait des répliques. Tout n'était pas parfait, clairement. Tout n'est pas parfait, hein, comme je l'ai dit. Mais. Il y avait quelque chose, au moins ça se tenait. Parce qu'il y avait des personnages, j'aimais bien Clavier, voilà, c'était sympathique. Oui, ouais. Même s'il y avait, attention, il y avait des répliques qui étaient un peu problématiques, je reconnais les limites. C'était que ça. Là, il y avait... Non, mais je le reconnais. Donc, j'allais quand même voir le 2 en me disant, bon, allez, pourquoi ? Quelle est l'utilité ? Soit c'est une pompe à fric, et auquel cas, mais je vais le fusiller, ou alors c'est juste une suite qui repose un peu sur ses lauriers, mais bon, qui propose son petit lot de petites répliques, voilà. Et ben non, pas du tout. Je crois qu'en termes d'inutilité, ça se place là et bien là. La démarche a été ça, ça a été attendé. Le premier a eu un succès surprise, c'est que les gens ont aimé quand même les personnages, parce qu'il y en a qui sont allés le revoir. Il y a eu un bon bouche à oreille, donc on va faire revenir tout le monde. On va écrire, on va prétexter d'avoir un petit truc à raconter. Puis on fait tourner tout le monde. Clavier, on le fait revenir aussi. Voilà, tout le monde revient. On prend les mêmes, on recommence. Et c'est ça qui est chiant, c'est-à-dire que c'est le problème, c'est que j'ai rien contre les comédies populaires. Voilà, je suis pas dans cet exercice-là. Mais au bout d'un moment, quand ça se fout autant de ta gueule de cette manière-là, bah, je pense que ça a le mérite aussi d'être dit. Quand je l'ai vu en salle, alors j'étais content parce que dans ma salle, ça riait très peu. Et pourtant, la salle était assez remplie, donc j'avais plus ou moins prédit un échec. Or, il fait beaucoup plus fort que le premier en termes de box-office. Et plus fort que le premier. Et je crois qu'il en est à... Il a fait 600 000 entrées en même pas 4 jours, quoi. Oh, punaise. Un truc comme ça. Donc, donc du coup, nouveau record en vue hein, pour le box-office, à mon grand désarroi, parce que si ça avait été divertissant, même si ça avait été un petit peu limite, mais au moins sympathique à regarder, au moins distrayant, je l'aurais reconnu. Ou s'il y avait des blagues qui... Même pas drôle, c'est même pas écrit, c'est éclairé avec les fesses, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune, réalisation. La réalisation, elle était déjà terrifiante, hein. Oh, il n'y avait aucun montage, il n'y avait aucun effort, la caméra était juste posée là. Oui, voilà, bah. Ouais, je l'ai revu récemment à la télé pour vraiment parce qu'il fallait et. Mais au moins, il y avait quelques répliques qui marchaient. Voilà, Harry Habitant qui jette sa cigarette électronique au lieu de. Enfin, voilà, oui, mais, ça, ouais, mais bon. Je trouvais ça rigolo, ça quoi. Oui, voilà, ouais, c'est sympathique. Non, mais voilà, je trouve ça sympathique. Mais alors là, moi qui suis plutôt bon public en plus, hein, on me le reproche souvent assez, mais je n'ai même pas souri. Et je me suis même dit, parce que autant le premier, j'ai quand même du mal avec l'étiquette de film raciste qu'on lui colle, et à tel point que bon, bah, j'essaye de le défendre un tout petit peu. Mais alors là. La morale, c'est quand même, on est tous un peu racistes, et du coup, ça nous rassemble. Hein. Ça vive la France, hein, putain. En tout cas, sur le premier, oui, je peux comprendre qu'on puisse voir ça, mais moi, c'est pas totalement ce que j'ai vu. Mais sur le 2, clairement, c'est ça. Sur le 2, clairement, c'est ça. Donc, je me suis dit, comment on est passé du tout au rien, enfin. Bah, c'est parce que c'est le même réalisateur et la même écriture. Je crains fort que ce soit la même chose dans le premier, du coup. Il n'y a pas de raison qu'il ait pensé différemment du deuxième au premier, le mec qui a fait ça. Bah, en tout cas, ça se rapproche aussi de À Bras Ouverts, hein, l'étron là, qui était sorti. Voilà, donc à mon avis, c'est pas une interprétation qui est complètement à rejeter. Mais je sais même pas comment dire, à part que, enfin, pour l'heure de la sortie, je dis rarement que c'est un chef-d'œuvre et je le pense, c'est un chef-d'œuvre. Mais là, je le dis, c'est de la merde. Mais il y a même pas d'autres termes. C'est vraiment de la merde. C'est vraiment du fast-food. Ouais. C'est on file ça. C'est d'une malhonnêteté crasse. C'est dégueulasse de voir un truc comme ça. Pour moi, c'est une escroquerie, quoi. C'est vraiment la mettre à l'envers. C'est un gros doigt d'honneur au public en disant, voilà, vous avez aimé le premier. Bon, allez, on va vous faire revenir. Vous allez nous redonner votre argent. Et puis voilà. Non, je suis désolé, pas ça, quoi. Alors après, c'est moi qui compte, parce que c'est moi qui suis allé. Parce que, voilà, vous êtes bien, parce que vous y allez pas. Mais, ah bah non, mais moi, là, pour le coup, oui, là, je suis déjà tapé le premier au cinéma. Alors, c'est bon. Pas déconner, je vais assez peu au cinéma pour aller me taper c'est aussi des histoires de choix mais moi je comprends pourquoi t'as envie d'aller le voir puisque t'avais apprécié le premier. Oui, il y avait la curiosité aussi. Voilà, le premier, je l'ai vu deux fois au cinéma, je vous le dis en fait. Ouais, non, mais t'as totalement le droit. Enfin, je veux pas. Ah oui, il n'y a pas de jugement. Moi, si je pouvais voir beaucoup de films, j'irais sans doute voir un truc comme ça juste pour voir ce que c'est, quoi. Ouais, c'est clair. Donc voilà, c'était vraiment pour faire un contraste entre films qui sont clair. Voilà des films intelligents, des films profonds, des films beaux, et là vous avez des trucs comme ça là. Tout ça pour dire que le cinéma français n'est pas le machin uniforme qu'on nous vend parfois sur Twitter. C'est ça exactement. Parfait. Belle morale pour la fin. on a fini cette rubrique de la Sélec et on va passer tout de suite au film du mois. C'est parti. On a la rubrique du film du mois, et le film du mois, ce mois-ci, c'est Glass. Glass de M. Night Shyamalan, réalisé et scénarisé par M. Night Shyamalan. Film pas mal attendu, parce que c'est là on s'en cachait plus du tout, alors que dans Split, c'était quelque chose qui était caché, que c'était une suite directe de Incassable. Là, on est directement dans la suite et fin... fin avec un point d'interrogation. C'est fin. Trilogie. Tu penses bien qu'il n'allait pas finir son film des fois que ça marche. Vous savez déjà l'avis d'Adrien. mais du coup voilà, suite et fin de cette trilogie donc qui avait commencé en 2000 avec Incassable et qui s'était continué en 2017 avec Split. Donc voilà, Glass sorti en France le 16 janvier 2019. En casting, on retrouve Samuel L. Jackson, James McAvoy, Bruce Willis, Anya Taylor-Johnson, Sarah Paulson, Spencer Treat Clark, Charlene Woodward et Luke Kirby. Voilà. Et M. Night Shyamalan qui fait son petit caméo, comme d'habitude. Moi, je voudrais laisser la parole d'abord à... en fait, je sais pas à qui laisser la parole en premier. Ah non, pas moi, j'ai trop parlé. Comment ça? Bah, je crois que je vais laisser la parole à Adrien, du coup. Ah mince, voilà. D'accord, ok. Alors, oui, il y aura du débat quand même. Mais après, façon. Tu pourras rebondir oui, sur oui. ce qu'on dit. Rebondir. Alors bon, bah écoute, si Shyamalan s'était contenté du caméo, ça aurait déjà peut-être un peu mieux. Mais bon, passons. Shyamalan, ça fait quand même maintenant, depuis la sortie de Split, qu'on nous dit que c'est redevenu un grand réalisateur. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'il l'a jamais été? Moi j'ai de plus en plus de doutes. Mais j'ai bon, jamais passons. Dit ça, hein, au passage, je précise. Ah, j'ai dit on, je nomme pas, là, vraiment je nomme pas. S'il a été Sing et Le Village et puis Incassable, c'est des chefs-d'œuvre déjà. Alors, hein. Disons qu'Incassable, c'est pas mal. Voilà, on va partir là-dessus, on va s'accorder sur le fait qu'Incassable était un très bon film. Et ouais. que Je Visite était par ailleurs très sympa. Donc voilà, effectivement, il sort d'une traversée du désert tellement phénoménale entre Avatar et l'autre machin, la Afterworth avec Will Smith, que forcément, ouais, le moindre machin un peu réalisé, ça fait chef-d'œuvre. Mais bon, disons que voilà, Split, il y avait deux, trois alors, mouvements de caméra intéressants et James McAvoy qui cabotinait à fond et ça y est, ça faisait un film. Bon là maintenant, comme tout le monde lui a dit que c'était génial, ben il l'a cru. C'est quoi les thèmes Jared Leto en Joker et tu parles de cabotinage tout le monde lui a dit que c'était génial, il l'a cru et il nous sort ce machin là. Alors il nous invente un lien entre Incassable et Split et je vois déjà les mecs qui nous racontent en nous disant ah il l'avait prévu depuis le début parce qu'il y a des références dans Incassable. Sauf qu'ils se rendent pas compte que si on voit ça comme des références, c'est juste parce que dans Split il en a mis tellement que du coup forcément ça fait lien. Alors que pas une seule personne ne me fera croire que dans Incassable quoi que ce soit était prévu. Bah oui, mais oui, voilà. En plus, mais... Voilà, donc faut arrêter de raconter n'importe quoi et de voir les barèmes partout quand il n'y en a pas. Et du coup, pour dire que ce machin-là, Glass, alors il essaie un peu de réaliser son film, ça c'est un truc qu'on peut lui accorder, c'est-à-dire qu'il y a 2-3 filtres, voilà, c'est pas mal, c'est sur Instagram il va faire fureur, mais disons qu'il y a 2-3 mouvements de caméra un peu intéressants, mais oh là là, quand on dit que c'est un mec qui est le plus grand réalisateur de tous les temps, machin, j'entends des machins des fois sur Shyamalan, mais même à l'époque de Sixième Sens, c'était pas un grand réalisateur, donc déjà, alors qu'il faisait déjà encore des films un peu potables. Mais là, il y a zéro effet de surprise, c'est-à-dire que Shyamalan, ça a toujours été un peu un mec qui sait écrire, tu vois, un mec qui sait écrire des scénarios un peu consistants. Alors Split, déjà, ça racontait rien. The Visit, bon, c'était un petit film de genre assez sympathique, alors ça a essayé un peu de raconter quelque chose, c'était marrant. Mais là, ce machin-là, mais non seulement ça te raconte des trucs qui n'ont aucun intérêt, parce que si tu veux, pendant tout le film, on essaie de te faire jouer sur le mystère du... peut-être que ces super-héros sont pas vraiment des super-héros, hein, parce qu'il y a des explications plausibles à tout ce qu'on a vu. Sauf que comme t'as vu Incassable et Split, tu sais très bien que c'est des super-héros. Tu sais très bien qu'il n'y aura pas de twist là-dessus. Alors on se fait poireauter pendant une heure et demie sur ce sujet-là, ce qui fait que Shyamalan, tout son film, qui est en plus bavard comme c'est pas permis, en fait, il est bavard pour rien. C'est-à-dire que c'est un film qui a même pas de sens en termes de dramaturgie, tu vois. Alors déjà, faire un lien entre Split et Incassable, c'était déjà casse-gueule, mais si en plus son film en lui-même il raconte rien, on se demande ce qui reste, quoi. Et alors en plus, et ça c'était même pas le cas dans Split, qui avait le mérite d'être un peu intègre là-dessus, mais c'est d'une prétention. Oh là, mais ce mec-là, Shyamalan, c'est le Lars von Trier de la comédie familiale, tu vois. C'est-à-dire qu'il a fait un film pas mal un peu dans sa jeunesse. Voilà, bon, Lars von Trier, c'était évidemment Mélancolia. Et Shyamalan, disons que ça a été à la fois Incassable et un peu Sixième Sens. Mais sauf qu'après, ça a été à Dégénérescence. Et là, dans ce machin-là, mais les personnages, ils t'expliquent tout ce qu'il faut comprendre. Des fois que tu serais trop con, vraiment, c'est ça. Alors, dans Lars von Trier, dans Nymphomaniac, t'avais une voix off pour t'expliquer. Des fois que tu serais trop con, ce qu'il fallait comprendre. Et ce qui était formidable avec la voix off, c'est qu'en plus, c'était beaucoup plus con que ce qui était montré à l'écran. C'est-à-dire qu'il aurait mieux fait de laisser le spectateur faire le boulot parce que son film aurait été moins con. Mais là, c'est la même chose. C'est-à-dire que le film a quelques ressorts psychanalytiques un peu intéressants, des histoires un peu de filiation, de création artificielle de méchants, peut-être un petit peu de création médiatique aussi, voilà, ça aurait pu être un peu intéressant. Mais il t'avale ça sous des répliques du genre « Oh bah attention, c'est comme ça que ça se passe dans les comics, alors maintenant ça va se passer comme ça ». Il a un espèce de mépris du genre de l'adaptation de super-héros qui est incroyable de la part du mec qui a fait Incassable. Mais incroyable, c'est-à-dire que Enfin, on a l'impression qu'il a le sentiment que c'est vraiment des trucs pour les débiles, quoi. C'est-à-dire que il va nous expliquer des machins qu'on aurait compris à 10 000 bornes s'il n'avait pas expliqué. Il dit, ah, dans les comics, il y a ça qui est un peu con, mais là, ça se passe dans le film parce que le film, il a bien compris qu'il était un peu con. Eh ben, c'est vraiment d'une débilité. J'avais l'impression de regarder Thor Ragnarok, tu sais, avec tous les gags qu'ils ont ajoutés dans le film parce que ce qu'il racontait dans l'intrigue était tellement trop con qu'il fallait assumer, tu vois. Là, c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire que c'est con, mais on s'en fout parce que comme le scénario dit que c'est con et que dans les dialogues, les personnages disent que c'est con, bah, c'est une excuse. Bah, moi, pour moi, j'ai envie de lui dire, bah, c'est pas comme ça que ça marche, mon petit bonhomme. Et si ton film, il est bête, c'est pas parce que tu dis dans les dialogues qu'il l'est qu'il va l'être moins. Et pour moi, vraiment, tout le film est comme ça. Et alors, en plus, c'est joué, mais t'as pas idée comment c'est joué. Enfin, je veux dire. Alors, entre Bruce Willis, qui est vraiment là pour faire sa petite sieste, et Samuel Jackson, c'est honteux de le faire jouer comme ça. Tu vois, ça a toujours été un mec, voilà, un peu dynamique et tout ça. Bon, là, certes, le rôle est à contre-emploi, mais le faire juste bouger un sourcil pendant tout le film, je trouvais ça un peu limite. Et alors, bon, après je m'arrête parce que je sens que je vais faire exploser Morgane. Mais alors, il y a un machin avec les incohérences. Alors, je sais bien que moi, je suis pas un fétichiste de ça, hein, dans les films. J'ai aucun problème avec les incohérences, les invraisemblances, machin truc. Pour moi, le cinéma, c'est pas ça. Pour moi, j'ai pas le problème avec l'idée qu'on tire un peu sur la corde. Mais Shyamalan, c'est un mec qui se prétend quand même d'une densité scénaristique et qui se prétend d'une cohérence scénaristique. Et alors son hôpital psychiatrique hyper sécurisé où il n'y a jamais personne qui se balade dans les couloirs et tous les personnages peuvent faire ce qu'ils veulent à se balader. Quand ça marche une fois, ça va, et quand ça marche 10 fois, ça marche pas, quoi. Et t'as aussi, une histoire avec le manque de moyens. Alors je sais que c'est produit par Blumhouse, alors du coup, Shyamalan n'a pas eu beaucoup de fric. Mais il y a des trucs. Alors il y a un moment, c'est vrai, pour le coup, c'est vraiment Disney, quoi. T'as un personnage qui se fait égorger ou qui s'égorge, je sais plus très bien comment ça se passe. Et c'est montré hors champ, c'est-à-dire on voit qu'il fait le geste, mais on dirait un court-métrage d'étudiant. Mais même pas un bon court-métrage d'étudiant, tu vois, vraiment le mec s'égorge, alors t'as pas une goutte de sang évidemment, et il se tire la gorge comme ça machin, et puis après t'as leur chant, enfin on a l'impression que c'est un amateur qui a fait ça, quoi. Et tout le film est comme ça, c'est-à-dire que le seul truc intéressant, c'est des filtres sur l'image. Enfin, on se demande ce qui passe par la tête de Shyamalan, quoi. Là, moi, je commence vraiment à m'inquiéter pour sa santé, quoi. Pour moi c'est évidemment que c'est pas aussi mauvais qu'After Earth, parce que rien peut être aussi mauvais que ça, mais la vache, c'est pas loin d'être du niveau de son Avatar, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Désolé. Très bien. Désolé aux familles. Non. Et je suis pas du tout juste, je suis pas du tout un hater de Shyamalan. Hein. On l'avait vu. Ça. Non, mais je revois Incassable et même un peu, et même Sixième Sens et surtout The Visit avec un grand plaisir. Hein. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment, j'ai vraiment pas de problème avec le mec. C'est juste vraiment ce qu'il est devenu qui me pose problème. Ok. On va contrebalancer ça avec l'avis de Morgane. Alors, je vais juste répondre point par point, parce qu'il y a des trucs qui m'ont fait bondir. Point par point, c'est devenu politicien. Oui, non, mais parce qu'Adrien, il a l'air très cacochime quand même. Hein. Alors, comment dire, ça, peut-être que ça t'emmerde, mais oui. Moi, j'ai revu Incassable, j'ai revu Split une semaine avant de voir Glass, et oui, il y a des références. Dans Incassable, il y a déjà les prémices de Split. Il y a déjà les prémices de Glass. Ils sont là. Ah, tu les perçois parce que t'as vu Split. Mais c'est parce qu'il a mis des raccords dans Split. Il n'a pas prévu Split dans Incassable. C'est juste qu'il a mis des rapports en référence à Incassable, ce qui fait que, comme par hasard, ça fonctionne. En tout cas, non. Non, parce que, en fait, parce que t'as fait aboyer mon chien, ça s'est peut-être pas entendu en off, mais voilà, mon chien aboie depuis tout à l'heure, donc du coup j'essaie de le calmer. Voilà. Tu peux dire que t'es embêté. Comment ? Non, vas-y, je te disais, tu peux le dire que t'es embêté. Par exemple, il y a une scène dans Incassable où on voit Bruce Willis toucher. Enfin, il y a un enfant qui passe devant lui et il sent qu'il y a un truc avec cet enfant-là, cet enfant qui est tiré par sa mère. Évidemment que ça fait, évidemment que quand on voit Split, on comprend que cet enfant-là, enfin, même si c'est pas prouvé à 100%, mais on laisse croire que l'enfant qu'on voit au tout début d'Incassable, et d'ailleurs ça se confirme avec Glass, avec un flashback qu'on voit dans Glass, que l'enfant qu'on voit dans le premier, enfin dans Incassable, c'est Kevin Crumbull. Crumbull, oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. Oui, Crumbull, c'est ça. Voilà. Non, Crumb. Ah, moi je dis Crumble. Ah oui, Crumb. Tu disais bien qu'il y avait un truc qui allait pas là. C'est parce qu'il a fait en sorte que ça colle. Il a mis une backstory à machin. Si c'est ça, en plus, ça veut dire vraiment qu'il est cynique, parce que ça veut dire qu'il a mis une backstory comme ça à son personnage, juste pour que ça raccorde avec un petit détail d'Incassable, de bon passant. Mais non, non, non, mais enfin, ça en fait, il a même pas totalement assumé, enfin, il a pas confirmé. Il laisse le doute planer, un peu comme Nolan avec sa toupie à la fin. Ouais, mais ces machins sont tellement lourdins que la référence, on la voit tout de suite, quoi. Bah, en tout cas, avant de voir Split, c'était un événement parmi tant d'autres, mais quand on voit Split, ce petit passage-là dans Incassable, il prend peut-être tout son sens et on peut y voir un truc un peu plus, une référence à Split. Enfin, sachant qu'à l'époque d'Incassable, il avait prévu de faire ça, ça me paraît pas impossible que déjà dans Incassable, et oui, à un moment, il parle d'armée, de bêtes et tout, dans Incassable, il en parle de ça. Oui, mais c'est de la référence biblique, c'est pas une référence à, oui, à Split, oui, on peut, oui, le comprendre, d'accord, comme ça après avoir vu Split, mais... Oui, c'est ça, justement. Et du coup, c'est pour ça que, enfin, moi, je reste persuadé que Shyamalan, à l'époque, avait effectivement cette envie-là de faire sa trilogie. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il n'avait pas pu la faire, en fait. Parce qu'il n'y avait pas pensé, voilà pourquoi. Mais si, il voulait. Il voulait peut-être attendre il que le film. Intégrer... Vu le succès de ses films à l'époque, s'il avait voulu faire une suite à Incassable, il l'aurait fait direct. Mais il voulait intégrer... Que le gamin de Bruce Willis grandisse. Voilà. Bon, bah d'accord. Hein, il attendait ça, ouais. Non, mais... Comment il voulait... L'excuse. Ouais, c'est non, ça, mais c'est vraiment... Voulait... En fait, il voulait que Bruce Willis, il ait plus de poils sur les cheveux, parce que sinon, c'était pas raccord. Non, mais il voulait intégrer le personnage de Kevin Crumbl, déjà dans Incassable. Mais donc, enfin, voilà... Moi, je reste d'avis que voilà, Incassable et Split, voilà, tout ça, je trouve que l'unification entre les deux films, pour moi, elle est parfaite. Mais du coup, tu penses qu'il a aussi fait exprès de faire des films à la con entre les deux pour faire l'effet de surprise ou pas? Est-ce qu'on peut, on peut aussi aller jusque là? Il a pas fait de film à la con tant que ça. Moi, je considère que Le Village est un grand film. Sing, pour moi, est un de mes films préférés. Bon, j'ai revu Sixième Sens. Ça, mais... Alors, Sixième Sens, il prend moins parce que voilà, quand on connaît un peu le truc, du coup, on est moins. Tu trouves que Sing, c'est mieux que Sixième Sens, la vache? Ah, bah, largement. Ah, ouais. Ah, moi, je préfère. Sing est incassable, je l'ai mis. Moi, je préfère les gens qui sont morts que le mec qui raconte que sa copine lui a vomi dans la bouche à je sais plus quel âge, hein, très franchement. Signe, il y a ça dans Sing, toi? Oui, je crois que c'est Oscar Isaac dans Sing, non, c'est ça? Bon, bref. Quoi? Non, c'est pas Oscar Isaac, mais bon, bref, je peux comprendre, vas-y, continue. C'est Joaquin Phoenix et Mel Gibson. Joaquin Phoenix. Voilà, voilà. Donc, alors, par rapport à Glass, il y avait beaucoup d'attentes, comme vous le savez, hein, mon Split. Ouais. C'était ta première attente de l'année 2019. Hein. Ma première attente, et c'est pas un chef-d'œuvre. Je vais calmer tout le monde tout de suite. C'est pas un chef-d'œuvre. C'est le moins bon des trois. C'est vrai. Ouais. Mais alors attention, avec ce que je vais dire, il y en a, il va me sauter à la gorge. Attends, mais en termes de réalisation, je trouve pas qu'il soit particulièrement moins bon que Split. Au contraire, il est plutôt mieux réalisé. Alors attends, je vais parler vraiment en termes de ce que ça m'a procuré émotionnellement. Ah oui, bien sûr, mais ça. J'ai pris un plaisir. Vous vous souvenez à l'époque d'X-Men Apocalypse? Oh non, mais voilà, d'accord, mais si tu lis une dos, une autre dos, c'est sûr qu'on va rigoler. Ouais, t'as vraiment décidé d'énerver Adrien. Mais non, mais voilà, non, mais je le dis. Oui, voilà, ouais. C'est pas un chef-d'œuvre, mais il y a quand même ce côté fin en apothéose qui m'a séduit. Et bah, dans Glass, c'est exactement la même chose. Par un peu à X-Men Apocalypse. Non, mais je comprends. Voilà, parce que, attention, pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre. Ce n'est pas. Je pense que Shyamalan aurait pu aller plus loin. Mais il a eu cette volonté de boucler sa trilogie et ça se sent que Glass c'est le film, c'est l'acte final et que même si au vu de la fin il y a une possibilité d'univers étendu, non c'est, lui, surtout, c'est juste un machin, une fin classique de, c'est, pour le coup je dis pas ça de manière méprisante, hein, mais une fin classique à la planète des singes origine et tout ça, hein, un espèce de machin qui montre que ça va s'étendre, mais pour moi ça appelle pas spécifiquement à une suite. Enfin, j'ai pas eu ce sentiment là en tout cas. J'espère que ça ne va pas s'étendre en tout cas. La boucle est bouclée et que. Ouais, ça se suffit. Ça se suffit surtout. Ouais, que, ça suffit. Moi, ce qui m'intéressait avant tout dans cette histoire là, c'était ces personnages là, ces trois personnages là. Et je trouve qu'il leur donne. Enfin, il leur rend plutôt un bel hommage, je trouve. Ouais. Après, où est-ce que ça se place par rapport à la mythologie, enfin par rapport aux super-héros, tout ça. Moi, je trouve que c'est une bonne alternative quand même à Marvel et à DC Comics. Moi, je suis très touché par ce côté très épuré, très calme, très doux finalement. Ça tend beaucoup plus vers l'émotion. Il y a quelque chose du rapport de l'émotion qui, ça parle du temps qui passe. Ces personnages sont vieillissants. Bruce Willis justement qui incarne ça, je trouve ça extrêmement touchant. Et on sent qu'il les aime, ces personnages là Alors toi Adrien, toi tu trouves qu'il méprise le pas le genre du comics, mais l'art même du comics. Oui, moi, j'ai pas trouvé. Je vois pas où est-ce que t'as vu le mépris, hein, franchement. Si, parce qu'il y a un côté quand même. Je parlais surtout dans les dialogues, en fait. C'est pour ça que je faisais le lien avec Van Trier, mais lui, c'était plus de la voix off. C'est-à-dire qu'il, par ses surexplications, déjà, il part du principe que le spectateur est trop bête pour comprendre ce qu'on lui montre à l'image. Ça, c'est toujours quelque chose qui m'insupporte. Mais surtout, dans ses côtés, dans les comics, il se passe ça, comme si les comics c'était un art uniforme, et déjà, le moindre blaireau qui a lu deux comics dans sa vie sait que c'est pas vrai. Pour moi, il y a un côté vraiment ultra caricatural, ultra simpliste, qui fait qu'il justifie ses ressorts de scénarios faciles et assez peu originaux par le fait que dans les comics, ça se passe comme ça. Alors, je sais pas si c'est un mépris, conscient, je suis pas sûr, hein, c'est peut-être pas conscient du tout, mais il y a vraiment un côté. En tout cas, il sous-estime vachement le genre, quoi, parce que s'il pense que dans les comics, il se passe toujours des trucs comme ça, et que ça a toujours le même schéma, et toujours ces espèces de fausses surprises, bah, soit il en a pas lu beaucoup, soit il comprend pas très bien ce qu'il adapte, mais parce qu'il adapte ce dont il parle, mais, moi, c'est pour ça que je faisais le parallèle avec Marvel et tout ça, c'est que j'ai quand même le sentiment que ce sont des mecs Marvel, disons que le postulat cynique est plus assumé, surtout dans les derniers genres Ragnarok, mais disons que, il y a un côté où c'est des mecs qui lisent les comics et qui se disent « Ah, il y a ça, c'est con, mais comme on le traite avec légèreté dans le scénario, ça va passer. » Quand je parle de mépris, c'est de ça que je parle. C'est pas forcément conscient, c'est plutôt une incompréhension du médium dont il parle. Alors, à la limite, voilà, parce que... Mais si, mépris, c'est pas conscient, hein, mais... Voilà, si c'est inconscient, parce que moi, s'il y a bien quelque chose que je trouve que Shyamalan n'est pas... Alors, attention, pour moi, Shyamalan, je vais pas le réhabiliter. Pour moi, c'est pas non plus... qu'il méprise le spectateur. Ça, je le pense, en tout cas, dans ce film-là. J'ai vraiment perçu ce côté surexplicatif. Pour moi, c'est le prendre le spectateur pour un imbécile. Et c'est quelque chose que j'avais jamais perçu chez Shyamalan avant, pour le coup. Mais ce que tu dis juste tout à l'heure, tu as soulevé un point qui moi aussi ça m'a un peu interpellé, parce que tu dis qu'en gros donc le personnage de Sarah Paulson, donc la psy qui essaye en gros de convaincre les super-héros, les spectateurs les personnes du coup Elijah Price, Kevin Crumb et David Dunn, que en fait les exploits qu'ils ont faits, ça vient pas du fait qu'ils sont super héros, des hallucinations collectives ou alors de machin, de trucs, enfin bref, des explications scientifiques. Ça aurait pu être un postulat de fantastique très intéressant. Le fantastique, c'est ça, hein, c'est s'interroger sur la réalité de ce qu'on voit, sur la réalité du surnaturel. Le problème, c'est que pour que ce soit intéressant, il aurait fallu que ce film ne fasse pas suite à deux films où le spectateur sait très bien que ce qu'il a vu était vraiment du surnaturel et assumé comme du surnaturel. Non, mais tu sais que moi j'ai douté, hein, au bout d'un moment, et je pense que c'est là toute la force du film, c'est que moi-même au bout d'un moment j'ai douté, bien sûr. Et comment t'as pu douter alors que tu as vu Incassable et Split et que tu sais très bien que ces gens ont des pouvoirs surnaturels? Pourquoi on peut pas douter pour quelque chose qui est montré face caméra, si tu veux? Parce que c'est une espèce d'hallucination, et je me suis dit après on est parce que comme le film s'appelle Glass, je me suis dit attends, on est quand même donc techniquement on est dans sa tête, c'est un film où on va être avec lui, et je me suis imaginé pendant le film, je me suis dit si ça se trouve il était dans le train, le train a sauté, il est dans le coma, il s'imagine des trucs. Je me suis imaginé plein de trucs. Encore heureux que ça n'ait pas été ça. Mais je me suis dit pourquoi pas. Et puis en fait finalement, on va peut-être spoiler un petit peu, mais ce sont bien des super-héros. Il y a une manière aussi de leur rendre hommage, de continuer avec cette croyance-là, parce que finalement, le côté super-héros, c'est pas un pouvoir, c'est aussi une croyance. Et je trouve que le fait de ne pas s'être débarrassé de tout ça, d'assumer jusqu'au bout que oui, ce sont bien des super-héros, ils ont bien des facultés physiques et intellectuelles qui sont hors normes, qui nous dépassent, et ben moi je trouve que c'est une belle façon pour lui de rendre hommage à la mythologie même du super-héros, et je trouve qu'il contrebalance avec tout ce qu'on voit actuellement, et il préfère, je pense que le terme va te faire bondir, mais la subtilité, le côté très épuré, l'émotion, moi je... Et j'avais peur sur de les, ça parce que... les purs, je peux entendre ça. Encore que pour moi, les purs, c'est aussi une question de dialogue et aussi une question de réalisation. Réalisation, oui, faut oui, voir, mais je trouve très... que pour moi, le dialogue, il est vraiment pas dans les purs, quand même. Il est vraiment dans la surexplication, dans le surlignage. Par rapport à Incassable, c'est vrai. Par rapport à Incassable, oui, enfin, quand tu vois les deux films côte à côte, il y a quand même un monde de subtilité entre les deux. Enfin, Incassable, tu avais ta propre interprétation de ce qui se passait. Là. Pour peu que tu aies le malheur d'avoir un avis sur le film, tu vas avoir une réplique 2 minutes après qui va t'expliquer exactement ce qu'il fallait ouais, comprendre. Ouais, y a pas de mystère en fait. C'est quand même épuisant. Tu dis que Shyamalan, ouais, ça a quand même été un mec, bon, moi je suis pas d'accord avec ça, mais qui a été considéré comme le roi du mystère pendant un bon moment. Je veux dire, à chaque Shyamalan qui sortait, le film était vendu vraiment comme une énigme, que ce soit Signe, Le Village et tous ces films-là. Non, c'est plutôt plutôt le mystère, plutôt le twist en fait. Et Signe, il y a aucun. Oui, mais si. Là, il y a un twist à la fin. Oui, mais c'est pas vraiment un twist. Je l'ai pas vu venir non plus. Hein. Ah oui. Moi, je me suis quand même dit que la fille, elle avait quand même un intérêt à mentir, quoi. C'est quand même le premier truc que je me suis dit. Je me suis dit, il va y avoir quand même une raison pour qu'elle fasse ça. Mais encore une fois, si Shyamalan comptait à ce moment-là faire appel à la suspension de la crédibilité du spectateur, très bien. Mais il faut qu'il le fasse avec un peu plus. Il faut qu'il soit un peu plus soigneux, parce que enfin tu peux pas tout à coup, c'est comme si dans Iron Man 4 Iron Man 4 à jour, on nous disait non, depuis le début en fait l'armure elle volait pas, c'était une illusion d'optique, enfin, et à un moment tu l'as vu voler pendant 3 films voire 18 000 là pour moi c'est pareil, enfin je veux dire Davin Crum, je l'ai vu soulever je sais plus quoi dans Incassable et l'autre là comment il s'appelle Crum, enfin le ouais. Le David Dunn et Crum, le machin, enfin bref. Kevin, ouais, c'est ça. Je l'ai vu se transformer en bête et marcher sur le plafond et tout ça. Bah, je suis désolé, Coco, je l'ai vu, quoi. Je veux bien que tu essaies de me faire croire pendant une heure et demie que c'était pas vrai. Je l'ai vu, quoi. Justement, voilà, mais après. Et ça, c'est dû aussi à son manque de subtilité dans Split. Hein. S'il avait été plus subtil dans Split et que ça avait été un jeu sur les ombres et qu'on n'avait pas très bien vu, j'aurais pu un peu y croire. Et encore, j'irais que pour lui, pas pour David Dunn. Mais là, c'est vrai que comme on a vu face caméra des trucs invraisemblables se passer, ça me paraît très difficile que le twist repose uniquement sur « Ah bah non, en fait, c'était vraiment vrai ce que t'as vu ». Enfin, il y a quand même un souci pour moi à ce niveau-là. Bah, c'était évident que ça allait aller plus loin. C'était évident. Mais ce que j'ai aimé aussi, c'est justement qu'ils disent de ces personnages-là, parce que c'est... Concrètement, c'est quoi? C'est des personnages qui sont convaincus de ce qu'ils sont. Et il y a quelqu'un qui va chercher à en gros refouler ce qu'ils sont vraiment. C'est ça en fait le truc. Et moi, quand j'étends le truc aujourd'hui, je me dis c'est quand même un film. Alors c'est peut-être une naïveté de ma part de croire ça, mais je trouve ça bien aujourd'hui qu'on montre un film comme ça, parce qu'aujourd'hui l'heure est à la tolérance, à l'acceptation de soi et des autres. Et je trouve ça bien que dans un film on voit justement ces trois personnages-là qui savent qu'ils sont, qui sont convaincus de ce qu'ils sont, c'est eux, ça fait partie de leur ADN, et ils seront ça jusqu'à la fin de leur jour. Et on a justement le personnage de Sarah Paulson qui cherche à leur dire non, vous croyez être comme ça, mais vous n'êtes pas comme ça. Soyez comme moi je le veux, mais soyez pas comme vous voulez être. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça, quand on étend un peu le truc, ça donne un film. Une espèce de métaphore sur la tolérance aussi, sur le reste. Et je trouve ça très beau, moi j'ai trouvé ça magnifique. Ouais, mais ça aurait pu être ça, sauf que qui sait qui a fait qu'ils sont effectivement comme ça? C'est le méchant qui veut la destruction planétaire. Alors moi je veux bien, mais si on veut voir une morale dans le film, il faut aller jusqu'au bout et dire que finalement le film il dit que celui qui les a fait devenir comme ils sont et ces êtres si spéciaux, en fait c'est un méchant. Pour moi, ça tombe un peu à l'eau. C'est original, en soi. Cette morale. Bah oui, mais c'est pas une morale positive. Et puis finalement, méchant, oui, d'accord, méchant. Ah, si, mais méchant, glace, il tue des gens et machin et trucs. Si, méchant, excuse-moi. Quand même. Quand même. Je veux dire, le nombre de personnes qui l'écorchent dans le film, il y a un moment, c'est pas un méchant. Je m'interroge un peu sur les valeurs morales de Shyamalan, pour le coup. parce que quelque part, on veut aussi les tuer, hein, la preuve. Hein. Ouf. On veut aussi les tuer, hein. Personne veut tuer Samuel L. Jackson dans le film. Tout le monde pense qu'il est grabataire dans son fauteuil. Oui, mais pour moi, chercher une morale positive dans le film, c'est vachement problématique, parce que la fin justifie pas les moyens. Je sais pas comment dire. Là, l'idée que comme qu'ils sont comme ils sont et que c'est très bien et que c'est la morale du film, bah, ils sont comme ils sont. Non, ils sont ce qu'ils sont parce qu'il y a un mec qui a décidé de révéler ce qu'ils étaient. Enfin, non, non, je trouve qu'il y a, il a, si c'est ça la morale, alors il a un peu oublié la fin de son film, le petit bonhomme, je trouve. Bah après, c'est aussi par rapport au personnage de David Dunn, hein. C'est pas aussi que propre à Glass. Après, oui, forcément, lui, il a été l'élément déclencheur qui a fait que. Et Mais après, même. sans Elijah, il l'aurait peut-être trouvé aussi. Ouais, pourquoi pas? Parce que Bon, lui-même. après, avec des si, enfin Voilà, voilà, c'est c'est ça, c'est le pas. problème. C'est si le film avait... C'est sûr que si le film avait été mieux écrit, on se poserait pas la question. Mais là, c'est vrai que pour moi, il y a quand même beaucoup de problèmes, quoi. Mais après, j'ai vraiment été sensible aussi à cette absence même de spectacle, parce que j'avais peur aussi que le film emmène là. Oui, mais ça, c'était sûr que non, hein. Vu la boîte de production et vu les habitudes de Shyamalan ces dernières années, ça pour le coup, c'est encore Bah, heureux, je hein, me suis... d'ailleurs, hein, Bah mais oui, ça, parce que j'avais c'était. vraiment Oui, peur du heureusement gros qu'on n'a pas eu affrontement final la et tout. bataille Bah, t'imagines de... l'horreur, hein. Mais Mais du en coup, ça fait fait... kitsch, c'est ça qui est ça le problème, du coup, quand tu regardes le film, bah, il y a quand même une velléité de spectaculaire un peu à la fin sur le parking, là, machin, et oh, c'était quasiment Civil War, hein, je veux pas te dire, mais. Bah, c'est mieux que Civil War, hein. Oh, c'était quand même filmé avec une lourdeur incroyable, tu comprenais rien à ce qui se passait la plupart du temps. C'est limite en shaky cam, même dans mes souvenirs. Non, il y a quasiment de la shaky cam à la fin. Enfin, je trouvais qu'il y avait un côté. C'est pour ça que De je temps parle. en C'est temps, ouais, pour ça ça que je arrive, parlais ouais. d'amateur. C'est trouvé que même quand il essaie de filmer des scènes d'action un peu conséquentes, c'est quand même le cas à la fin. Oh là là, c'est lourdeau comme c'est filmé, quoi. Je me dis, mais ce mec-là, il a. J'ai parfois l'impression qu'il a un peu oublié ses fondamentaux, Shyamalan, alors qu'il les a eus très tôt quand même. Même si c'est lourdeau, j'ai quand même apprécié. Alors, il l'utilise pas très souvent, donc c'est justement pour ça que je trouve ça pas trop lourdeau. L'utilisation, genre à la GoPro, quand. Oui, non, mais il y a toujours des petites. Voilà, et c'est Il y vrai a que la des réalisation est petites soignée, moi, c'était astuces le que je trouve contraire. sympathiques quand même. C'est pas Oui, non et plus. ça, pour le coup, je le reconnais bien volontiers à Shyamalan, et je reprochais dans Split qu'il n'y en avait pas assez, d'ailleurs. Glass, c'est un film qui est un peu réalisé. Voilà, il y a un peu de cinéma dedans. Je veux dire, pour moi, Split, c'était le majeur problème du film, c'est que je comprends pas comment on peut parler de chef-d'œuvre pour un machin qui est comme ça à peine réalisé. Mais Glass, oui, bon, je suis un peu cynique sur les filtres parce que je trouve que c'est facile de dire qu'un film il est beau parce que des fois c'est violet, des fois c'est jaune. Mais oui, en termes de plan, la fin est un peu lourdaude, mais sinon il y a deux trois plans un peu originaux dans le film, même quand L. Jackson se balade dans l'asile. Oui, il y a un Ouais. oui, ça oui, ça, c'est un Je peu trouve que cherché, aussi, quoi, c'est un peu soigné, ouais, quoi. Oui. aussi la scène d'interrogation où ils sont tous les trois, les couleurs sont plutôt intéressantes et tout. Enfin, voilà. Là, c'est pas une histoire de fil, c'est une histoire de couleur du décor, Ouais, mais etc. c'est Je dommage trouve que que ce soit ça. anecdotique, ça. Enfin, c'est dommage Ouais, c'est que clair. ce soit pas un film qui soit Soit pas généralement plus poussé. soigné et que tu retiennes qu'une ou deux scènes parce qu'elles sont un peu mieux fichues que les autres. Je trouve qu'il y a quand même un problème C'est avec ce vrai. cinéma-là. C'est vrai. Morgane, toi, tu voulais encore dire quelque chose sur le film? Non, mais voilà, tout ça pour dire que, attends, voilà, pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre, mais je trouve qu'en termes de conclusion, j'ai eu ce que j'attendais. Il est pas tombé dans le gros spectacle dégoulinant, un peu too much, justement. Et pourtant, le film, c'est ce qu'il te promet, et j'avais très peur de ça. Et il y a quand même un petit coup d'audace à la fin, je sais pas si on va pouvoir spoiler, mais je trouve que. Je préfère pas spoiler parce Non, qu'il est sorti d'accord. genre il y a Ouais. 15 jours, donc c'est pas non plus Voilà, donc, mais en tout cas, ouais, je mais trouve en que tout. finir comme ça, je trouve que c'est audacieux. Ah, moi Et je sais ça pas, peut. j'ai tellement Enfin. vu 1000 fois ça, c'est ça mon problème, c'est que j'ai Hein? tellement vu 1000 fois, je vais pas le dire, hein, je vais vraiment pas le dire, j'ai tellement vu 1000 fois le côté, L'idée en fait, voilà, ouais. cette L'idée idée même même de, du. voilà, Ouais. Bah, l'idée, dans l'idée, oui, mais alors dans les faits, on l'a pas vu, même si ça a été promis dans plein d'autres Bah, films, le problème, c'est justement. Lorraine, je vais pas dire les références auxquelles j'ai pensé, parce que sinon ça va spoiler, mais disons que j'avais quand même à la fin le sentiment de me dire, oh la vache. Bon, je dis pas que j'aurais pu écrire sur un papier au début du film que ça finirait comme ça, Moi, je mais enfin, m'attendais c'est à quand ce même qu'on. un schéma qu'on connaît, quoi. Enfin, moi, j'ai pas du tout été surpris J'ai par. pas vu ça dans un blockbuster depuis. Enfin, dans un gros film américain comme ça, je l'ai pas vu depuis. Je sais même plus quand, hein, Ouais, mais on se j'ai dira jamais en vu ça, off à moi. quel film on pense, mais moi, j'ai quand même un ou deux exemples en tête. Mais Il y ouais, je a un voulais film juste dire un pourtant que truc un j'aime peu beaucoup. positif, quand Il y a même. un film que j'aime. Je finis. Il y a un film que j'aime Ouais. beaucoup qui, je me suis dit, est-ce qu'il va avoir les couilles de le faire? Il l'a même pas eu. Si même ce film-là n'a pas. Et c'est Shyamalan qui a quand même eu l'audace de faire ça. Je pensais pas qu'il allait oser, hein. Et puis finalement, non, je trouve que la fin m'a quand même pris de court. Je me suis dit, ah oui, d'accord, c'est. Pourquoi pas? Mais tu trouves que c'est un twist? Il y en a qui ont parlé de twist. Tu trouves que c'est un twist, toi? Le twist, non, c'est pas vraiment C'est un pas un twist, twist. c'est. C'est comme dans The Visit où on disait qu'à la fin c'était un twist. C'est pas des... Non, pas The Non, Visit, pardon. The Visit, il y avait un twist. C'est comme dans Split où à la fin on disait que la bête c'était un twist. Non, c'est pas des Non, twists. c'est pas un C'est twist. un truc qu'on dit pendant tout le film que ça va se passer. À la fin ça se passe. C'est dans ma religion, j'appelle pas ça un twist, quoi. J'appelle ça juste une fin incohérente, quoi. Mais c'est vrai qu'on est tellement habitué au schéma de Shyamalan qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'il fait une suite, qu'il fait une fin un peu ouverte, c'est twist. Ça me paraît un peu problématique de parler de tweet. Mais pour dire un truc quand même positif sur le film, parce que je retiens un machin, c'est, bon, je trouve que Willis et Jackson sont très en dessous, surtout Willis, je trouve qu'il joue, c'est un acteur que j'aime beaucoup et que je trouve qu'il est très critiqué à tort. Je trouve qu'il dans des films comme La Maille et les 12 singes, par exemple, il est vraiment très bon. Mais c'est plus ça maintenant, vous. Mais là vraiment, enfin, je veux bien, hein, que le personnage soit blasé et tout ça, mais là vraiment, j'avais le sentiment qu'il s'endormait devant la caméra. Et Jackson, bon, le pauvre, il joue pas un rôle très reluisant. Mais je trouve que la gamine qui jouait déjà dans Split, qui s'appelle Taylor Johnson, je crois, Johnson, quelque chose, un nom C'est très long. Anya Taylor Joy. Anna Taylor Joy, c'est ça, qui jouait aussi dans Split et surtout dans le très bon film qui s'appelait The Witch. Et je trouve qu'elle est très bien. Elle est très bien. Elle communique vraiment quelque chose. Et c'est encore une fois pas facile parce que je trouve que son rôle est vraiment écrit à la truelle, mais je trouve que elle dégage quelque chose. Et évidemment, Sarah Paulson est toujours parfaite, quel que soit le rôle qu'elle joue. Voilà, ça c'est pas, pour le coup, c'est pas tellement, c'est bon, j'ai pas envie d'enlever quoi que ce soit à Shyamalan, mais je trouve que c'est pas l'écriture de leur personnage qui font qu'ils jouent bien, quoi. C'est vraiment le fait que Sarah Paulson, comme c'est cette fille-là, et ça c'est ce que je reconnais à Shyamalan d'ailleurs, qui soigne toujours un peu ses héroïnes dans le sens où il leur offre toujours quand même un peu de rôles conséquents. Ça c'est très bien pour le coup parce que c'est quand même assez rare dans le cinéma actuel où soit on en fait des caisses avec un personnage fort en mettant que des mecs à côté, soit on fait même pas l'effort et on fait un film avec 6 mecs qui se battent entre eux à la Civil War. Mais là voilà, chez Malan, j'apprécie son postulat, même pas son postulat, les choix de diversité qu'il fait. Je trouve que c'est quand même un film où il y a beaucoup de diversité. Mais le problème, c'est que ça fait pas du cinéma, quoi. Moi, j'ai quand même beaucoup de mal avec, quand un film n'est pas très bien réalisé et que je suis très mal écrit et qu'en plus, pour moi, je sais qu'on débat là-dessus, mais qui prétend quand même pas mal, moi, j'en sors surtout énervé, quoi. C'est ça mon problème. Alors que je partais pas du tout pour détester. Évidemment, j'avais mes a priori parce que Split, je trouve ça très mauvais. Donc, je me dis que faire une suite à Split, bah, j'avais très peu de chances d'imaginer que ce serait bien. Mais je suis toujours prêt à être surpris. Et là, au fur et à Ça n'a mesure pas du été film, le je me cas. suis senti partir, quoi. Là, ça a vraiment pas été le cas, quoi. J'ai vraiment trouvé ça plus mauvais que ce que je pensais, quoi. Ok, d'accord. Morgane, tu as quelque chose à rajouter? Non, non, non. Ok. Bah moi, je vais faire vite en fait sur mon avis sur le film. En fait, je suis assez partagé. J'ai passé. En fait, déjà, je suis très partagé sur M. Night Shyamalan. Enfin, si vous écoutez le podcast, vous savez que je ne suis pas très réceptif de son cinéma. J'aime un film de. Enfin, à la base, j'aimais un seul film de lui, c'était Incassable et c'est tout. Bah, du coup, après avoir vu Split, qui était quand même. Enfin, par rapport à mon opinion sur M. Night Shyamalan, du coup, j'étais très surpris. Et je le trouvais plutôt bon, même très bon en fait. Et du coup, quand je suis allé voir Glass, j'y suis allé avec un. Enfin, comment dire. J'y suis allé pas non plus en attendant quelque chose d'extraordinaire, mais en me disant ça devrait être à peu près la même chose que Split, donc je devrais passer un plutôt bon moment devant le film. Il y a des acteurs qui sont plutôt bons dedans. Voilà. C'est clairement, comme tu as dit Morgan, le moins bon des trois, parce que je trouve que même si j'apprécie en fait tout l'aspect psychologique du film, tout l'aspect enfin, avec justement avec Sarah Paulson qui essaye de faire croire, etc., que enfin d'essayer de convaincre. En fait, je pense qu'elle moi, ce que j'ai aimé, parce que enfin, on sait bien sûr, comme tu as dit Adrien, que c'est des super-héros, mais ce que j'aime bien, c'est qu'elle essaye de convaincre les personnages. Elle essaye peut-être pas de convaincre. Enfin, Ah je si, pense. pour Enfin, moi quand même, il y a un si. côté convaincre le spectateur, sinon le film aurait quand même pas beaucoup de sens. Ouais. Tous ces dialogues pendant 1 heure et demie, pour au final Oui. apprendre au spectateur, apprendre au personnage des choses que le spectateur sait déjà, ça me paraît quand même Ça me paraît quand même très difficile à imaginer autrement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, en fait, ouais, tout cet aspect m'a assez intéressé, même si j'ai trouvé quand même certains moments qui étaient, c'était assez long, ça traînait en longueur. Ah oui, des longueurs. Tout l'aspect, enfin, dans l'hôpital psychiatrique, quoi. J'ai trouvé ça. Enfin, il y a vraiment des scènes qui se ressemblent de trop. C'est extrêmement répétitif. Voilà, c'est très répétitif. On n'a pas l'impression d'avancer en fait pendant 1h30. Et je pense que, enfin, tout ce qui se passe dans l'hôpital, tout ce qui est intéressant en fait dans l'hôpital, je pense que ça aurait pu se résumer à 30 minutes grand max, et ça aurait pu être, ça aurait pu être très bien. Mais là, je trouve qu'il étale un peu trop sur ça. Malgré tout, je trouve que la réalisation est plutôt correcte à certains moments, que c'est pas non plus, voilà, c'est pas du After Earth, c'est pas du Avatar. Moi, c'est quand même ce qui fait que je le sauve, quand vous dites que c'est moins bon des trois, que je le sauve plus que Split, quoi. Parce qu'il y a quand même des idées, une ou deux idées pendant le film de réalisation que j'avais quand même du mal à voir dans l'autre. Ok, ouais. Voilà, j'ai passé un moment plutôt agréable, mais enfin, j'en suis pas sorti énervé parce que j'en attendais pas non plus grand chose. Je suis pas vraiment attaché à l'univers. C'est pas quelque chose qui, enfin, l'univers me touche pas spécialement. C'est juste un film correct que j'ai vu et voilà, c'est j'ai passé un moment divertissant, on va dire. C'est clairement pas, je le classerai clairement pas dans mon top de l'année 2019, mais voilà, c'est un film. Alors le twist de fin, on appelle ça un twist, mettons qu'on appelle ça un twist. Voilà, si on appelle ça un twist. Alors je l'ai trouvé, comment dire, comme on a dit, on a déjà vu ça dans pas mal de films, mais le fait que ce soit ça m'a surpris en fait. Après, quand on a découvert que c'était ça, l'enchaînement, tout ce qui se passe après, c'est pas surprenant. Mais la révélation est, m'a surprise en tout cas. Voilà. La fin est. J'essaie de pas spoiler parce que c'est compliqué, mais je trouve que il aurait pu faire mieux pour finir cette trilogie. Ouais, en fait, ça tombe un peu à plat, je trouve, en fait. Voilà, c'est un peu tout le film, on nous promet quelque chose, et puis finalement, ça n'arrive pas vraiment, en fait. Voilà, donc je vais pas en dire plus pour pas spoiler, mais en tout cas, je trouve le film bon, voilà, pas plus. J'ai passé un moment plutôt agréable devant. Et je sais pas si je vous conseille. Je vous conseille à ceux qui veulent voir la suite de Incassable et Split. Voilà. Si vous avez aimé les deux, je pense que celui-ci. Oui, moi j'aurais tendance à dire que si vous avez aimé Incassable et pas Split, c'est vraiment pas nécessaire. Mais si vous avez aimé Split, il n'y a pas de raison que vous n'aimiez pas celui-là pour le coup, je pense. Oui, non, je pense pas. Ouais, je pense que c'est à peu près dans la même lignée, clairement. Ouh, non, détrompez-vous. Hein. Dans la salle, il y en a beaucoup qui n'avaient pas vu Incassable d'ailleurs. Et là, tu comprends rien. Je les ai entendus à la sortie et qui ont dit ah non, mais Split c'était comme un film d'horreur et là c'est bizarre, c'est un truc de super-héros. Ah oui, mais ça, le problème, c'est oui, moi je parle pas des gens qui ont pas vu Incassable, hein, mais je parle des gens qui ont vu les deux et qui ont aimé Split. Évidemment, si vous avez pas vu Incassable, ça me paraît très problématique d'aller voir celui-là, mais. C'est vrai que Split était plus. Était pas centré sur cet aspect super-héros. Beaucoup moins en tout cas. Oui, c'est pour ça que la construction entre les deux films me paraît toujours artificielle. Moi. J'ai toujours pas très bien compris quel était le lien, à part éventuellement un lien thématique sur la folie. Et encore, me paraît un peu limite quand même. Et puis la scène, les scènes, il y en a plusieurs, mais la scène incassable du train qui a été un peu refaite, je pense, hein, parce que c'est. J'ai pas envie de spoiler, mais il y a un personnage qu'on découvre, qu'on voit s'asseoir à une place du train à côté de. Ah oui, je m'en souviens, côté, oui, voilà, aussi. Ouais, quelque part près de David Dunn. Donc, il y a un genre de mélange entre. Enfin, ça a été un peu refilmé, etc. Mais ça, c'est pas. Voilà. Oui, moi, je trouve que pour comparer avec d'autres choses, je trouve qu'on reproche beaucoup à des créateurs comme J.K. Rowling et machin d'absolument vouloir replacer des passerelles partout entre leurs films. Là, pour moi, c'est quand même énorme. Hein, à la fin de. je trouve ça en fait extrêmement lourd, quoi, de refaire une scène en me disant, ah, vous l'aviez pas vu parce que la caméra le montrait pas, mais à côté Oui, de lui, il y avait. Non, c'est juste vraiment du raccrochage qui me Oui, paraît il essaie très, de très, le. très, très difficile à justifier, quoi. C'est là que je dis que ça manque de subtilité, quoi. Ouais, moi aussi, je pense que c'est clairement ça. Enfin, pour moi, si ce film n'était pas accroché à Incassable, enfin, je trouve que c'est pas nécessaire, en C'est fait. pour ça que je me pose quand même un peu la question de l'utilité du machin. C'est pour ça que moi j'ai un gros problème avec ce film, c'est que je me demande toujours à quoi il sert, dans le sens où à quoi ça sert que ce soit un raccord entre les deux films, quoi. C'est pour moi, ça n'a pas d'utilité en termes de drame, quoi, en termes de dramaturgie, quoi. Ouais. Ok, bon, moi j'ai fini à peu près, enfin j'ai fini sur mon avis, du coup, on a bien discuté là sur le film, voilà, si vous avez toujours envie d'aller le voir après tout ça, enfin voilà, il y a quand même des bonnes choses dedans, donc il n'y a pas tout à jeter. Du coup, on a fini sur le film du mois, et on va passer tout de suite à la dernière rubrique qui est la Minute Nerd, c'est parti. On a la dernière rubrique de ce podcast qui est la Minute Nerd et ce mois-ci c'est à Morgane. Donc vas-y, je t'en prie, parle-nous de ce dont tu as envie. Oui, alors moi je vais vous parler de jeux vidéo du coup. Alors, j'aurais Ouais. aimé vous parler de Kingdom Hearts 3, mais je ne peux Ah. pas le faire parce Oui, que je parce l'ai que acheté tu t'as pas hier assez. Ouais, t'as pas et assez je joué. n'y ai pas joué encore. Mais j'ai eu un deuxième petit coup de cœur, hein, pour un jeu vidéo. Là, je vais parler d'un remake Léa et pas Passion d'une. Poney. Comment? Léa Passion Poney, non, c'est pas ça? Non, non, non, non, Je sais non, pas, je non, me posais la question. non, non, non, non. D'accord, J'allais faire une blague, mais voilà, non. J'allais dire, Non, non. je ne parle pas de la sextape de ta sœur. Voilà. J'ai pas de sœur. Chais, Oh. chais, chais. Justement, bah, ça me rassure. Voilà. Non, je vais vous Auditeur. parler d'un remake et pas d'une vulgaire remasterisation. Je vais vous parler de Resident Evil 2, qui s'est Ah. offert à une nouvelle jeunesse, hein, sur PS4. Alors, Resident Evil 2, ça fait. C'est unanimement, hein, le Resident Evil de PS1 le plus aimé, même si mon préféré c'est quand même le 3, Le Resident 3, Evil 3 Nemesis. Et avec la réussite qu'est le remake sur PS4, j'espère que Capcom vont pouvoir accélérer le mouvement et nous offrir un remake du 3. Parce Oui, que je là, pense que le ça 2, c'est une sort. nouvelle manière d'aborder le Resident Evil 2. Que j'ai jamais pu finir à l'époque parce que j'avais trop peur. Et là, c'est le destin, c'est pareil. C'est-à-dire que honnêtement, je fais pas le fier. C'est-à-dire que j'y joue 15 minutes par jour, pas plus. Parce que on est dans du Resident Evil pur jus, hein. On est dans un jeu à énigmes. Il faut garder ses munitions. Il faut veiller à ce qu'on ait un peu d'herbe pour pouvoir se soigner. Et Fumer, il se quoi. trouve que j'en ai Ouais. plus. Je n'ai Sachant plus. que la grosse différence en fait avec le 1, 2, 3, c'est que c'est la caméra du 4 et du 5 et du 6, du coup c'est enfin, c'est plus en hauteur, on C'est. suit directement le personnage. Voilà, c'est ça. Et je trouve ça bien. En termes de gameplay, c'est En beaucoup plus TPS, du fluide. coup. Voilà, c'est ça. C'est beaucoup plus fluide. Je trouve Ouais, qu'il y ouais, a ouais. un vrai boulot en termes de graphique, en termes d'esthétisme. Il y a des effets de gore qui sont incroyables. Enfin, le jeu est vraiment crado, quoi. Il n'y a vraiment pas d'autre mot. Et qu'est-ce qu'il est flippant. C'est-à-dire que j'ai jamais autant flippé devant un jeu de toute ma vie, et pourtant des jeux d'horreur j'en ai fait, ou du moins j'ai essayé d'en faire, mais là je trouve que c'est pas du tout une remasterisation, on va dire, style Crash Bandicoot ou Spyro, quoi. Il y a vraiment une Attends, plus-value, c'est la une nouvelle. remasterisation Crash Bandicoot, elle est cool. Elle est cool, mais bon, voilà quoi, ça propose rien de ce que. Enfin, il y a rien de plus, il n'y a pas de plus-value. Oui, Que là, ouais, il y a c'est une valeur ajoutée. Si vraiment. ceux qui étaient pas nés ou qui n'ont pas pu jouer au deuxième jeu sur PS1. Et même si vous essayez d'y rejouer. Oui, alors moi justement, qui n'ai jamais joué à Resident Evil, mais qui ai joué pas mal à des films, à des jeux comme Evil Within, est-ce que c'est pas devenu un peu ringard Resident Evil? Est-ce que ça apporte encore vraiment quelque chose au genre pour le coup? Oui. En tout cas, même Resident Evil 7, hein, qui est sorti sur PS4, lui, c'était en FPS aussi. Non, Resident Evil, même s'il y a. En termes de scénario, parfois on frôle un peu le nanar, on va pas se mentir. Oui, moi j'ai joué à Resident Evil 1. Bien, bon. J'ai rejoué au portage du 1 là, sur PS4. Mm-hmm. Franchement, le scénar de Resident Evil 1, c'est un peu nanardesque quand même. Mais je trouve que le 2, il y a le plaisir même. C'est tout ce que j'aime dans un jeu d'horreur. Il y a l'ambiance, il y a les moments de suspense, d'angoisse. Et là, je suis en train de lutter contre le tyran, ce fameux truc de 2 mètres là, qui vous stalke dans tout le commissariat. Il y a un travail sur le son qui est exceptionnel. C'est vraiment pas un remake pour faire joli. Il y a vraiment une plus-value et c'est un vrai régal, vraiment. Ouais, super. Enfin, moi je sais que dès que j'aurai une PS4, c'est un des premiers jeux que j'achèterai, avec Kingdom Hearts bien sûr. que j'attends énormément. Mais je sais que les remakes de Resident Evil sont toujours de bonne qualité. Et là, ça a l'air d'être le cas. Voilà, bon ben du coup merci Morgane pour cette minute nerd et ben on va passer tout de suite à la fin du podcast. C'est parti. On est donc à la fin de ce podcast. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout cette première émission du mois de janvier. On va vous donner tous les liens, etc. pour nous retrouver. Merci encore à Adrien d'avoir participé. Et je t'en prie. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Merci à Morgane aussi d'être à mes côtés, toujours. Donc, on va vous rappeler. Oui, je vais vous rappeler les liens, etc. pour nous retrouver. Le site web c'est moviesnerd.net, sur les réseaux sociaux c'est Facebook, c'est moviesnerd tout court, sur Twitter c'est movies_nerd, pour nous contacter par mail c'est contact@moviesnerd.net, pour noter le podcast c'est sur iTunes, PodCloud, vous pouvez aller noter le podcast moviesnerd 5 étoiles ou autant d'étoiles que vous voulez. Mettez 5 étoiles, même si c'est pour dire de la merde, mettez 5 étoiles. Ça nous fait monter dans le classement et c'est super. Moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur MoviesNerd, sur Sens Critique, Instagram aussi, tant qu'à faire. C'est TheLexal, THELEXAL, partout. Voilà. Adrien, donne-nous toutes tes infos. Alors, moi, vous pouvez me retrouver, comme d'habitude, Twitter Parker Mitty, sur smallthings.fr. Voilà, j'essaie d'écrire un peu plus régulièrement cette année, ce semestre que je ne l'ai fait au semestre précédent, puisque je vais essayer d'aller un petit peu plus au cinéma aussi. Et sur Serial Causeur, voilà, on est toujours très actif, on en est à une émission facilement toutes les deux semaines. Donc là, c'est bon. Ouais. Voilà, si vous aimez les séries, n'hésitez pas. Et sur Four Horsemen Podcast, bon, pour l'instant il n'y a pas de date prévue pour la nouvelle émission, parce que c'est extrêmement difficile de nous réunir pour nos émissions qui sont très très très longues, hein, puisqu'on est facilement à 3 ou 4 heures par émission. Ouais. Bon, pour trouver un moment, c'est assez difficile. Donc voilà, voilà, stay tuned, parce que on va revenir de toute façon, hein, on a des émissions prévues, ouais. Mais disons que encore faut-il trouver des dates pour enregistrer. Donc voilà. Oui. De toute façon, tous les liens seront dans la description. Donc, voilà, si ça vous intéresse d'écouter même les anciennes émissions. Oui, absolument, hein. Oui, on a fait les choses très bien avant. Morgane. Et eh ben moi sur Twitter @cinemorgan, et puis sur Facebook Morgane Sheridan. Je poste pas mal de critiques de films dessus. Et puis c'est tout. Ok, très bien. Voilà, encore merci à vous tous d'avoir écouté jusqu'au bout cette émission. On vous dit dans un mois à peu près pour le podcast du mois de février. Et d'ici là, bah, on vous dit salut. Salut. Au revoir.